c'est que tu t'engages sur ce terrain-là, voilà à quoi tu t'attends, voilà il y a quelque chose, je ne sais pas de quel ordre, je sais pas je vois un petit peu, mais je ne vois pas comment le formuler en fait. Il y a quelque chose à faire là-dessus en fait. En tout cas pour les gens, surtout pour les nouvelles générations et d'autres qui viendront travailler sur ces questions-là et s'impliquer là-dessus. Moi, je voudrais dire quelque chose. C'est que, bon, c'est évidemment ça l'intitulé, hein, c'est la question des expériences précises et singulières des différents groupes. Moi, j'avais envie d'essayer de penser aussi dans quel contexte, dans quel type de société civile, puisque l'idée, au-delà d'une échéance de publication et de l'utilité de. En plus, moi, en tant qu'éditrice, normalement, c'est des choses qui m'intéressent, le fait d'archiver, le fait de transmettre. Mais je suis quand même très intéressée par la recontextualisation des actes et des actions, parce que quand à Sidi Bouzid, il y a quelqu'un qui s'immole, ça produit une guerre civile. Dans un des pays où la répression est sans doute une des plus puissantes, au Maghreb, peut-être, voilà. Et quand quelqu'un s'immole en France, François Hollande fait simplement une apparition télévisuelle pour dire qu'on n'a rien à reprocher. Donc, dans une note de lecture qu'ont fait Martin Iori concernant un livre qu'on a édité d'Alain Brossat. Enfin. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait qu'il y en ait eu peu ou beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction de la société civile en France, puisqu'il n'y en a pas eu du tout. Et donc, je dirais que, un peu comme le dit Alain Brossat, il y a eu ces 10 dernières années 60 films, ou peut-être plus, hein, il ne les a certainement pas répertoriés dans l'ensemble, où le sujet, c'est le demandeur d'asile. Moi, j'ai fait un travail à la RTBF pour voir le discours dans les médias jusque 2006, 86-2006. Donc, dans quel type de société civile des actions, parce qu'on n'est pas là évidemment pour dire que les collectifs ont envie d'être des héros tragiques, isolés, ils ont envie aussi qu'il puisse y avoir des soutiens, que les soutiens s'élargissent. Et donc, je me disais que dans la transmission, on va devoir recontextualiser et que cette recontextualisation, elle se passe dans un moment extrêmement précis. Et je terminerai simplement là-dessus. La théorie d'Alain Brossat, c'est que, bon, ce qu'on avait vu à la RTBF, c'est que les 15 dernières années, chaque fois qu'on parlait des demandeurs d'asile, c'était le problème des sans-papiers. Hein. La phrase était invariablement la même. Et en fait, il n'y a pas de problème de sans-papiers, dit Brossat, comme il n'y avait pas de problème juif dans les années 30, ni de problème de sorcière au début de l'époque moderne. Il y avait éventuellement un problème de l'époque. Alors, quand on dit ça aux migrants, aux nouveaux migrants, aux nouveaux Belges, etc., ils disent, mais alors, si c'est la société, entre guillemets, d'accueil qui est en crise, nous, on l'a toujours connue en crise. Donc, moi, j'ai l'impression que si on ne raccorde pas avec le fait que ce soit un moment aussi où on repense, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la note de lecture de Martin et de Yuri, qui peut tout à fait circuler maintenant, où ils font le lien entre la chasse aux chômeurs, toute proportion gardée, hein, puisqu'il n'y a pas encore de reconduite avec assassinat de chômeurs. Après, sur les suicides en Espagne, c'est une autre histoire. Et donc, toute cette question, elle doit être articulée de manière beaucoup, beaucoup plus large, me semble-t-il, avec aussi le degré de sensibilisation sur la question aussi de l'imagination. Par exemple, sur les grèves de la faim, je n'ai rien à dire, mais combien ça coûte un jingle au Deleuze, je ne sais pas combien Caritas paye pour adopter, pour envoyer de l'argent. Enfin, qu'est-ce qui se passe en matière de sensibilisation de la société civile sur des points ou sur d'autres, etc. Voilà. Il y a un film, pas blanc, c'est marqué, en termes de sensibilisation, ça a été fait par. Ça a été shooté par Tristan Wibo, qui était un, allez, à l'ambassade universelle et d'autres mouvements. Et c'est un film qu'il a fait sur une grève de la faim qui s'est passée à l'église des Minimes en janvier-février 2000, enfin, commence en décembre 2004, c'est poursuivi en janvier-février. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé la caméra devant des personnes qui souhaitaient s'exprimer, et les gens ont parlé, ont dit ce qu'ils voulaient dire, et il a traduit après, et a fait un montage. Et donc c'est une grève de la faim, et les témoignages des personnes sont entrecoupés de lectures d'un court texte qu'écrit Kafka, qui s'appelle « Le Hungerkünstler », l'artiste de la faim, pour être quelque chose comme ça en français. Je l'ai vu une fois... C'est vraiment très beau. Je ne sais pas de quelle manière il est diffusable ou les gens pourraient le voir, mais enfin, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup d'entendre. Je veux juste terminer cette analyse de grossesse. C'était simplement de dire qu'il y a eu plus de films sur les demandeurs d'asile ces 10 dernières années que de militants, proportionnellement. Donc, c'est ça, c'est l'aspect la bonne conscience du sujet qui se prête à tout, au suspense, au documentaire. Et c'est la même chose qu'on vit actuellement. Il y a eu 5 festivals cet été qui ont maintenant filmé à tout prix fin novembre. Ils ont fait une programmation Nova sur la question des Roms. Et en étant en contact avec le centre de médiation pour les gens du voyage, il y a plus de gens qui sont prêts à aller filmer les Roms que de les inviter chez eux à boire une soupe. Enfin, il y a quelque chose qui est très parlant sur ce qui se passe aujourd'hui dans le rapport à l'autre. Alors voilà, je dirais que c'est l'élément plus neuf. L'avantage de Tristan Guimbaud, c'est qu'il a aussi hébergé les gens chez lui. Voilà. Oui. Y compris. Est-ce que tu seras après le témoignage juste parler de l'expérience peut-être de l'occupation à la VUB qui était quand même en même temps que l'occupation à l'ULB et les difficultés qu'on avait eues de intéresser les étudiants autour de ça, de venir voir, de venir discuter et quand l'occupation quand les gens à l'occupation ont commencé la grève de la faim, c'était encore plus dur quoi. Et on s'est vraiment retrouvés dans le garage de la VUB, dans un truc hyper glauque, comme c'est toujours. Mais voilà, après, je ne sais pas si c'est le discours médiatique en Flandre ou le fait qu'à la VUB, c'est beaucoup d'étudiants qui viennent juste à Bruxelles pour leurs cours et qui repartent après chez eux. Je me suis toujours posé la question, voilà, comparé à l'ULB, où il y avait quand même différents groupes ou le soutien ou des gens qui étaient actifs, qui étaient beaucoup plus larges qu'à la VUB. C'est toujours une question que je me suis posée, quoi. Et aussi le peu d'échanges qu'il y avait entre ces deux, qui étaient quand même vraiment proches l'un de l'autre, et que c'était que quelques individus qui faisaient l'aller-retour, quoi. Mais après, il y avait peu d'échanges. Voilà. À l'ULB, les Iraniens, enfin, l'action qu'ils ont menée, et plus le temps passait, plus la grève de la faim se déroulait, sur un campus, je ne sais pas, à l'époque, il y a quoi, 12 000 étudiants, étudiantes, ici, ça se passait quand même dans une espèce d'indifférence quasi générale. Dire quelqu'un serait mort aller au foyer, là... ça n'aurait pas fait des grosses vagues. C'est vrai qu'il y avait du monde que quand que ce soit les Iraniens ou les sans-papiers du 129 cuisinaient. Alors là, tu avais tous les... Tu vois, les crèves la dalle qui débarquaient là. Tu dis, oh putain, il y en a plein. Tu vois, vraiment le truc à l'envers. Hein ? Oui, Le groupe qui a débarqué à la VUB, c'était en soi des personnes qui étaient avec le groupe de l'ULB avant, ensemble aussi. C'est un peu déchiré. Comment ? Oui, ouais, Electra Bell. Donc voilà, c'est un groupe, c'est des gens qui se connaissaient aussi, peut-être pas depuis longtemps, mais qui sont un peu par en deux groupes. Et ça m'a toujours questionné qu'à ce moment-là, ça n'a pas vraiment... qu'il n'y avait pas eu plus d'échanges quoi, entre ces deux groupes, entre ces deux groupes de militants ou de soutien. Si même il n'y avait pas presque rivalité entre les occupations à ce moment-là. occupations entre la VUB et l'ULB. À la VUB et l'ULB, oui. En 2003 2008. En fait, c'est pas nouveau, on en a 9. On a passé un mois ici, un groupe de sans-papiers, on venait de l'église du Béguinage, puisqu'on était étouffés. C'est les étudiants qui nous ont donné un peu de souffle. D'abord la VUB, 2 semaines, et puis ici, au foyer, 1 mois. On était presque, c'était presque un zoo, en fait. Et bon, voilà. Des fois, je me dis dans ma tête que combien de fois on a dû se prostituer, en fait, en tant que sans-papiers. On a passé un mois ici, on était logés, nourris par l'ULB qui avait mis un budget, le CA de l'ULB qui avait accepté de nous accueillir, et il avait mis un budget, donc on était pour soi-disant mobilisés ici. On faisait des descentes aux auditoires, quelques-uns, voilà, mais ça, le résultat est. Voilà, par rapport à la dimension d'une université. Pareil, c'est hyper minime, si c'est pas, voilà. Ça nous a donné un peu de souffle, et on est rentré avec des problèmes. On est revenu à l'église avec des problèmes, des contradictions liées à notre présence ici. Moi, la question de la sensibilisation, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je me suis toujours demandé où sont les personnes d'origine étrangère, tu vois, dans les manifs pour sans-papiers, dans les occupations pour menées par les sans-papiers. Et en fait, il y a. Ben d'une, enfin, j'ai eu quelques éléments de réponse parce que je reposais la question après avoir passé 2 ans en tant que stagiaire au Petit Château il y a très longtemps. Et donc, je faisais le tour du quartier en disant, enfin, est-ce que vous savez c'est quoi le Petit Château qu'il y a dedans ? Et donc, les habitants pensaient que c'était un grand bordel, un gros bordel, mais au vrai sens du terme, tu vois, où c'était des prostituées, des... Et donc, du coup, ils s'en foutaient, parce qu'ils étaient... Voilà, c'est pas... Ils savent pas ce que c'est que sans-papiers. En plus, sans-papiers, ça veut rien dire. Il y a vraiment eu... Ça a accroché quand les gens ont commencé à... Les sans-papiers se sont présentés eux-mêmes en abandonnant le nom de sans-papiers. Donc en se présentant, je m'appelle X, Y, Z, voilà, j'ai 2 enfants, je fais ceci ou je fais cela, ou voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Et puis, t'es moins sensible à une réalité que tu connais pas dans un premier temps si tu vis pas avec eux. C'est ce que les occupations nous ont permis, c'est la vraie rencontre, être dans le quotidien de ces personnes et elles dans le nôtre. Tu te rends pas compte dans la mesure où toi, quand tu décides de voyager en dehors de l'Europe, t'as pas besoin de visa, tu vois, tu vas au Maroc, enfin tu vas partout en Afrique du Nord ou ailleurs, t'as pas besoin de visa, donc c'est des choses qui n'existent même pas dans la tête des personnes, tu vois. Par contre, quand tu mobilises quand tu abordes les gens et que tu relis le problème de se retrouver sans papier à celui du racisme, à celui de la double peine, à celui des visas, à celui du voyage, ben là, ça parle aux gens parce que tu touches des réalités qui sont plus proches de leur quotidien, de leur vécu. Et je crois que tant qu'on reste juste sur la question des sans-papiers, parce que même eux, d'ailleurs, ils s'entendent pas entre demandeurs d'asile et sans-papiers, clandestins, enfin, il y a plein de déclinaisons. On va souvent se retrouver tout seul et vite essoufflé tant que le truc n'est pas élargi. Okay. Nous, on va avancer à ce que les questions vont se répéter, hein, ça va résonner, mais on se proposait d'essayer plus ou moins rapidement déployer l'expérience du comité d'action de soutien qui suit. Et parce que là, il est 5h moins 10, de se laisser 10 minutes, parce que vraisemblablement, il y aura un second épisode à ce qui est en train de se passer ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été dites. Il y a pas mal de gens qui voulaient venir, qui n'ont pas pu venir. Et de peut-être se laisser après ça 10 minutes, un quart d'heure ensemble pour faire un retour sur ce qui s'est passé lors de ce partage de mémoire et voir un peu qu'est-ce qui peut être donné comme forme aux suites de tout ça. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir étirer encore longtemps, étant donné qu'il y a encore... et le CAS et Getting the Voice, qui serait vachement important de pouvoir entendre dans le cadre de ce qu'on s'est dit cet après-midi. Et donc on va retracer à deux l'expérience du comité d'action et de soutien. On le fait à deux parce qu'on voulait qu'on puisse entendre un peu les voix dissonantes entre Martin et moi, Yuri et lui, enfin voilà. Et notre exposé se divise en... Il y a 4-5 parties qu'on a eu envie de mettre en avant, et on avait vraiment envie de commencer un peu par des récits individuels qui ont motivé notre présence dans le comité d'action et de soutien. Et donc pour ma part, j'étais sensibilisé à la question sans-papiers à travers une série de manifestations que j'ai menées aux côtés de l'UPJB, à Votem ou au 127 bis. Et j'étais assez rapidement pris par un sentiment un peu étrange que devant un centre fermé, alors que tous les éléments sont là pour déclencher quelque chose comme une révolte ou une colère manifeste, on ne sait jamais très bien quoi faire. Et d'ailleurs, dans les manifestations annuelles devant Votem, tout le monde se rue toujours sur cette énorme porte verte et tape sur cette porte verte jusqu'à épuisement, et puis finalement la manif se termine. Et j'ai toujours ressenti ça comme un peu un sentiment d'impuissance, ou en tout cas, on ne sait pas quoi faire. Et donc, dans mes premières manifestations, je pense qu'assez rapidement, j'en viens à scander et à réclamer la régularisation de tous les sans-papiers, sans bien savoir exactement pourquoi, mais parce que ça m'apparaît comme la demande la moins excluante possible, ou la plus englobante. Et puis... Ça a été dit un peu précédemment, notamment Daniel, on est assez vite confronté à des discours un peu plus rationnels, la famille, l'université, etc., qui dit « mais on ne peut pas régulariser tous les sans-papiers, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et donc, moi, ça me positionnait un peu dans un entre-deux, entre une revendication très universalisante, très, très englobante, et à la fois très honnête et spontanée, et de l'autre, l'impossibilité de rendre audible cette revendication dans un argumentaire un peu plus utilitariste ou rationnel. Et donc, j'ai d'abord cru que je devais me renforcer et renforcer mon argumentaire pour pouvoir... un peu m'opposer à toutes les personnes ou toutes les instances qui m'opposeraient le fait qu'on ne peut pas régulariser tout le monde. Puis bon, comme je suppose chacun d'entre nous, après avoir lu, étudié la chose, tourné ça dans tous les sens, tout le monde se rend assez vite compte qu'il n'y a pas de bonne réponse à « on ne peut pas régulariser toute la misère du monde, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». C'est un peu un piège rhétorique. Et donc, voilà, moi c'est à partir de ce sentiment un peu ambigu que j'ai eu envie de rechercher des espaces un peu plus consistants pour échapper à cet entre-deux, et des espaces dans lesquels il y avait la possibilité de matérialiser ces revendications, et surtout de trouver un espace de partage à partir de ce sentiment d'intolérable face à la question des sans-papiers. Alors, moi, quand j'arrive au tout début, ici au 129 de l'occupation, j'ai fait quelques grèves de la faim et participé à quelques comités de soutien. Et il y a cette réflexion qu'on a développée à multiples reprises dans cet après-midi qui vient sur quelle est la juste place d'un soutien, comment est-ce qu'on peut accompagner en ayant quand même une composante propre de ce qu'on est. Et on essaye de bricoler un espèce d'assemblage un peu spécial où on se dit qu'on va être un comité d'action et de soutien. Et on hérite comme ça de revendications qui nous précèdent, la destruction des centres fermés, la régularisation de tous les sans-papiers, l'arrêt des rafles, l'arrêt des expulsions. Et donc l'idée au début dans le comité d'action et de soutien, c'est d'essayer à la fois très simplement d'arriver dans une occupation sur un campus universitaire, de la faire connaître, de la rendre visible, parce que le 129 en fait c'est pas directement sur le campus, c'est un peu à l'extérieur, donc il y a aussi une place en tant qu'étudiant pour essayer de rendre ça visible, mais d'avoir une composante propre, quoi, d'avoir un peu une perception politique audible, compréhensible de notre présence dans l'occupation. Et en fait, le comité d'action et de soutien, comme moi je l'ai vécu, n'a pas tellement pris à travers cette réflexion-là sur l'action, le soutien, le fait d'avoir une composante politique, mais en fait très simplement parce que il y a un lieu qui est occupé sur une université. Et que pour tout un tas de personnes qui passent devant, il se fait qu'il y a une rencontre avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui fait que socialement, il n'y a pas de possibilité de se rencontrer, et qu'il faut accompagner au quotidien. Il faut accompagner au quotidien, c'est-à-dire qu'au début, il faut faire connaître, il faut être présent pour apporter la nourriture, il faut organiser le lien entre l'occupation et l'université, les étudiants. Comment ça se passe aussi assez vite, ça va déterminer un peu le casse, c'est qu'il y a les réunions des assemblées, il y a les réunions des occupants qui ont lieu à certains moments, où on est convié ou pas. Et puis, on a nos assemblées à nous qui sont à d'autres moments. Et donc, ça fait que, et ça va créer aussi des problèmes, mais on essaye de constituer dans un lieu d'occupation des espaces qui sont, qui peuvent être dans leur forme d'autonomie réciproque, quoi. Aussi, quelque chose qui est assez spécifique du CAS, c'est que c'est un mouvement étudiant. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au CAS qui n'ont pas d'expérience politique antérieure, donc ils n'ont pas forcément de réflexion, mais qui n'ont pas aussi de préjugés ou d'idées préconçues. Et donc, le rythme qui va être donné au début de l'occupation et que le CAS va prendre, c'est en fait le rythme des occupants. Au début, c'est simplement le fait de pouvoir avoir une protection par rapport à l'université, parce que c'est un local qui est occupé et qui est squatté par des sans-papiers, mais c'était un lieu qui fait, il n'y a pas de négociation, ils l'ont pris sans rien négocier. Donc au début, simplement le comité d'action de soutien, les étudiants essayent de leur donner une forme de légitimité. Donc ça, c'est un peu pour essayer comme ça de tirer à gros traits ce qui fait la véritable constitution, ou le fait que le cas, c'est quelque chose qui va prendre, c'est qu'il y a cette dimension du fait que c'est des étudiants, et il y a cette dimension de en fait, il y a des nécessités d'accompagnement assez quotidien, quoi. On a bien compris. Donc, le CAS est né à partir de quelque chose qui lui vient de l'extérieur, de l'occupation de 80 sans-papiers du 129 Avenue Beul, qui est un peu plus loin là-bas. Et juste, moi, je voudrais faire un petit retour sur l'importance que ce lieu-là, l'occupation, a constitué en termes de rencontres pour nous, les militants du collectif de soutien. Et dans le tract de création du CAS, il y avait une phrase qui était, ben voilà, en fait, l'occupation des sans-papiers ici à l'université, elle provoque la rencontre entre des personnes qui d'ordinaire ne se rencontrent pas. Et cette rencontre, elle s'est passée, selon moi, à différents niveaux. Et très, très personnellement, moi, c'est de la rencontre, donc je suis à l'époque un jeune étudiant, et c'est la rencontre entre moi et l'altérité ou le concept sans-papiers, quoi. C'est la première fois que je personnifie ce que c'est un sans-papiers. Et donc, comme l'a dit Martin, au cours des réunions, des soirées passées, ce sont des récits de vie qui s'échangent, des savoirs qui se partagent, des expériences qui se confrontent, des réalités qui sortent de l'invisible, mais aussi des moments très simples, hein, des longues soirées de veillée, des rigolades, on boit du thé, on mange du couscous, etc. Donc, ce territoire de l'occupation, il force évidemment les membres et les occupants et le soutien à sonder des alliances pour tenir ensemble, mais aussi, de manière complètement incalculable, il y a évidemment des amitiés indéfectibles qui se créent entre les occupants et nous. Si bien que finalement, cette altérité sans papier, ce concept sans papier, il vient complètement se brouiller, et que finalement, il n'y a plus de sans papier à l'occupation, il y a Ahmed, il y a Anita, il y a un tel, et que ça nous fait rentrer dans quelque chose de beaucoup plus singulier que le problème sans papier ou la lutte des sans papiers. C'est quelque chose dans lequel on est pris vraiment affectivement, quoi. Et ça rejoint un peu la discussion qu'il y avait autour de la grève dans la faim, sur comment se positionner dans la grève de la faim. Mais en fait, quand on arrive à un stade de la grève de la faim, et j'explicite un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on est pris dans un rapport affectif qui s'emballe finalement, et qu'on n'est plus du tout dans une espèce de rationalité, même une rationalité stratégique. Et donc, moi, j'étais vraiment pris là-dedans. Cette rencontre, l'occupation, ça provoque aussi la rencontre entre nous autour de ce que c'est la politique migratoire en Belgique et en Europe. Et donc, c'est un espace de discussion, de confrontation, de conflictualité autour de la question de la migration. Et donc, c'est aussi des choses qu'on n'a pas spécialement l'habitude ou coutume de discuter systématiquement. Et donc, ce lieu de l'occupation, c'est vraiment un espace de médiation. Et le CAS, moi, je l'ai vécu plutôt comme un opérateur de transversalité entre les différentes composantes du mouvement, donc entre les sans-papiers, entre des militants qui viennent de l'extérieur, entre des étudiants qui ne sont pas militants, mais qui sont quand même attirés par le lieu et par ce qui s'y passe, quoi. Donc, j'insiste pour ça en disant que c'est davantage un lieu de résonance pour ces rencontres, et qui donne la possibilité, après ça, qui donne envie d'agir. Je repasse la parole à mon voisin, qui essaye un peu plus de discuter de la stratégie propre du comité d'action et de soutien. Et donc, quand on regarde un peu ce que pourrait être le CAS dans les formes, on voit qu'au début, c'est davantage un comité de soutien que véritablement un comité d'action qui aurait comme but de lutter contre les politiques européennes ou belges en matière d'immigration, qui aurait comme but de s'attaquer à la question des centres fermés, des RAP, de le rendre visible. Malgré tout, en fait, avec ses revendications et le fait que c'est un comité d'étudiants qui veut aussi agir et, pas, et soutenir, mais il y a toute une réflexion politique qui va commencer à naître. Et en fait, il y a, de nouveau, c'est un peu quelque chose qui va rester une ambiguïté tout au long du processus, mais il y a des choses de nouveau de l'ordre de la nécessité qui sont de s'occuper des enfants, amener de la nourriture, accompagner les personnes dans leurs actions, éventuellement aussi dans leurs démarches administratives. Et il y a aussi un certain nombre d'actions, parce que le CAS, c'est aussi beaucoup des manifestations quotidiennes. Alors au départ, ces manifestations, elles sont, comme je le disais, accompagnées par les occupants eux-mêmes. Donc c'est se rendre devant l'office des étrangers, aller devant tel et tel parti politique pour expliquer la situation et faire entendre sa voix. Et puis, il va aussi y avoir petit à petit un rythme de manifestation quotidienne qui est organisé par le CAS, à laquelle les occupants se joignent ou pas en fonction d'un certain nombre d'actions. Et on essaie de réfléchir en disant, mais dans le temps même, c'est un peu quelque chose de plus ou moins spontané, c'est-à-dire que ça donne un rythme, mais qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? Parce qu'on était greffé à une occupation, c'est-à-dire que véritablement la sensibilité politique du CAS, elle vient de là. Elle n'est pas réfléchie ou consciente, mais c'est dans ce partage quotidien qu'il y a une sensibilité politique qui naît. Et en même temps, elle a une action qui est tournée de plus en plus vers l'extérieur de l'université, et en fait qui essaie de poser les nœuds de la question de l'immigration, pas forcément là où ils sont exposés le plus explicitement. En fait, le CAS a essayé, je pense, dans les rues et les réseaux de communication, d'essayer de montrer, pas toujours très compréhensiblement, mais l'espace public comme espace de la ségrégation. Et c'est là qu'il va y avoir tout un certain nombre de difficultés d'articulation avec les occupants. C'est qu'eux, évidemment, ne sont pas du tout branchés sur les mêmes nécessités. Donc au début, parce qu'il y a ce lieu d'occupation et qu'il y a vraiment une possibilité de rencontre et de discussion de ce qu'on fait. Au début, les actions, il y a une action, par exemple, il y avait une manifestation collective où on arrive à bloquer un train pour essayer d'expliquer voilà, comment est-ce qu'il y a double standard dans la, et comment est-ce que les transports en commun sont aussi les lieux des rafles. Ben, c'est absolument pas compris par les occupants. Et il y a énormément de discussions qui ont lieu pour essayer d'articuler des choses qui sont fondamentalement différentes, c'est-à-dire notre désir d'action politique et de montrer en fait quelque part l'infrastructure des politiques migratoires et puis les personnes qui sont véritablement là dans des situations qui sont les leurs et qu'il faut, enfin, dont il y a une importance cruciale aussi d'accompagner dans leur devenir politique très concrètement, quoi. Pour le CAS, ce qui est premier, c'est la lutte de l'autre. Ce qui a toujours fait son devenir, c'est le fait qu'elle était articulée autour d'une lutte de sans-papiers et que c'est à partir de cette lutte-là qu'il y a toute une remise en réflexion individuelle et collective de la question de la démocratie, de la question du monde dans lequel on vit, quoi. Il y a aussi quelque chose qui nous a semblé important. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a théorisé, mais c'est des choses qu'on a beaucoup échangées entre nous. C'est que ce qui était un peu comme ça premier dans notre perception de ce qu'on faisait, c'était la honte devant l'État criminel, devant les centres fermés, devant les expulsions, et le désir d'essayer d'en faire quelque chose ensemble, c'est-à-dire de ne pas être forcément pris dans une impuissance individuelle, mais de se dire, voilà, bon, on est un collectif, on a une forte forme de régularité. C'est important pour nous d'en faire quelque chose en essayant de, et je pense que c'est ce qu'on essaie quand même de faire, de remettre en cause en fait nos catégories de citoyenneté comme des choses qui sont marqueurs de la ségrégation. Voilà, ben, je ne veux pas continuer très très longtemps là-dessus parce qu'il y a mille et une choses à dire, mais il y a pas mal de gens ici qui ont participé à cette expérience qui pourraient reprendre. Mais c'était un peu pour, comme ça, donner une sorte de stratégie ou identifier ce qu'on a essayé de faire. Moi, j'ai juste deux minutes déplacé la focale sur quelque chose d'un peu plus micro, mais qui renvoie à ce que je pense que le monsieur qui parlait beaucoup, c'est Philippe. Enfin, ce qu'il parlait en termes de joie et d'enthousiasme, et ça a été, j'ai l'impression, une donnée assez centrale dans le mouvement du CAS. Donc, au sein du CAS, on a tenté de développer un peu une micropolitique qui permettait de déjouer les mécanismes de représentation et de leadership entre nous, tout en essayant que ces mécanismes ne viennent pas se cristalliser. Donc, de prime abord, on refuse de fonctionner avec des mécanismes de représentation, de porte-parole, de leader, de commission, mais on essaye également de permettre de tirer profit des qualités, des compétences de chacun à l'intérieur du mouvement. C'est un peu ce que Corinne disait tout à l'heure, pour avoir un groupe, il faut qu'il y ait des locomotives. Donc on essaie de ne pas freiner ces locomotives tout en ne cristallisant pas leur rôle autour dans des hiérarchies formelles. Donc par exemple, à l'intérieur d'une assemblée du CAS, ce qui vient faire informellement la décision de partir en action à tel ou tel endroit, c'est la possibilité que le groupe puisse se réapproprier collectivement cette proposition. Donc on ne vote pas entre nous, il n'y a pas de vote. On va suspendre ce vote sur la construction d'un consensus qui est basé sur l'enthousiasme que la proposition engage collectivement. C'est-à-dire que, si vous me suivez, le meilleur argument, ce n'est pas l'argument qui vient trancher en définitive, mais c'est l'argument qui est potentiellement retravaillable et retransformable par le groupe de manière à ce qu'il vaille pour tous. Et donc c'est l'argument qui permet que se déploient les puissances de chacun. Évidemment, cette articulation, elle est rendue possible, comme le disait Martin, par la présence des personnes sans papier aux côtés desquelles on lutte, et donc de telle manière à ce que dans chaque action puisse se maintenir une espèce de zone grise qui peut être à tout moment comprise, entendue et réappropriée par le collectif de sans-papiers avec qui on lutte. Donc ça nous semble être un impératif auquel il faut être attentif. On ne dit pas qu'on l'a réussi à tout le temps, mais après coup, après réflexion, on s'est dit que c'était en fait ça, lutter avec et non pas pour des sans-papiers. Donc c'était maintenir quand même un espace de réappropriation de notre action. Et donc, à l'intérieur du mouvement lui-même, entre étudiants qui rejoignent le CAS, l'enthousiasme collectif, c'est ce qui permet de faire rejoindre sans pour autant être tétanisé devant l'impossible de cette lutte, quoi. Et donc, sans trop le vouloir, on a essayé de faire nôtre une maxime que propose Foucault, qui est « N'imaginez pas qu'il faille être triste pour être militant, même si la chose qu'on combat est abominable. » Et donc, ce qu'on peut dire, toujours dans la continuité de ce que racontait Philippe tout à l'heure, c'est que depuis cette expérience, c'est la joie et l'enthousiasme ne devraient pas être contradictoires avec le sérieux et l'urgence de la situation dans laquelle les migrants sans papier sont maintenus. Donc lorsqu'on a bloqué des centres fermés, mais aussi lorsqu'on a bloqué des trains, etc., cette question-là s'est reposée. Comment est-ce qu'on arrive à chanter? Comment est-ce qu'on arrive à rigoler, à faire les clowns, etc., alors que la chose même contre laquelle on lutte nous renvoie à un sentiment d'abominable, de colère et d'intolérable. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de réponses qu'hier, mais qu'on se souvient quand même, et d'autres dans cette salle, j'espère, pourront en témoigner, qu'il y avait de la fraîcheur, il y avait un côté vraiment bon enfant dans les actions du CAS, et que cette fraîcheur, elle portait en fait une envie de repartir, quoi, une envie de lutter et de repartir à l'action suivante. Donc ce qui compte, c'est de parvenir à tenir et de parvenir à résister à la tentation sacrificielle, à la dramatisation, et d'essayer de ne pas aller trop dans le mur, quoi. Donc pour terminer sur ce côté un peu ludique et enthousiaste, c'est que ça s'est traduit dans les modalités d'action du comité d'action et de soutien à travers une série de manifestations qui ont été quasi hebdomadaires pendant 2 ans et que pendant ces manifestations, on parvient à développer un peu un jeu collectif de manipulation du territoire urbain. On apprend à se déplacer ensemble, à inventer des modes de déambuler en ville, à être mobile ensemble, etc. Et donc ça crée de la confiance, et c'est aussi une confiance qui est une condition de réalisation de cet agir politique pour atteindre un peu une forme d'enthousiasme ensemble. Et donc c'est un peu sur cette notion d'empowerment par la joie et l'enthousiasme que produit une action que j'avais envie de terminer cette partie-là. Et donc cet empowerment, il est rendu possible, selon nous, parce qu'il s'originait non dans la réflexion de la conséquence a posteriori de l'action, mais plutôt dans la capacité a priori d'y atteindre de la joie ensemble. Donc ça, c'était pour la partie un peu plus micro, et je repasse la parole à mon voisin pour parler un peu de cette tentative d'autonomie ou de déliaison entre collectif de soutien et collectif occupant. Ces questions sont déjà apparues à travers la question de la grève de la faim notamment, mais voilà, il y a quelque chose d'un peu singulier là-dedans. Et donc ce qu'on peut retenir quand on regarde un peu l'espèce de devenir qu'avait le CAS, c'est qu'à partir de l'occupation du 129, il y avait le comité d'action de soutien, il y avait les présences diverses dans l'occupation, la nécessité d'accompagner les personnes dans leur démarche, dans les manifestations, et puis il y avait les actions du CAS, et qu'il y avait en fait quelque chose qui fonctionnait assez bien, et qu'il n'y avait pas besoin de clarifier les espaces de qui est qui. Et qu'il va y avoir en fait des différences de vitesse. C'est-à-dire que d'abord, à partir de la grève de la faim au 129, c'est un premier moment de déliaison, ça arrive aussi vers la fin de l'année, mais le CAS, comme l'expliquait Youri sur la question d'enthousiasme, est plutôt un collectif étudiant, c'est-à-dire qui porte des questions sérieuses, mais qui essaie de les porter de manière publique et d'essayer de les porter là où elles ne sont pas généralement posées. Les occupants, forcément, à un moment donné, tournés autour de leur propre nécessité, ils commencent une grève de la faim. Et à ce moment-là, évidemment, il commence à y avoir des différences de vitesse, ce qui fait que progressivement, les occupants se tournent davantage sur eux-mêmes et leur situation. Ils rentrent dans une période un peu plus dure de leur lutte. Et le comité d'action et de soutien est présent, mais en fait, il est plus que présent à partir de quelques personnes qui vont rester, qui vont passer l'été, accompagner cette grève de la faim. Mais de fait, le CAS n'est plus réellement dans cette occupation. Puis l'année qui va suivre, ça va être continuer à y avoir des greffes et des rapports l'un à l'autre. Mais bon, ça, c'est quelque chose à débattre, mais c'est une des réflexions qu'on s'était faites a posteriori, c'est de dire, en fait, chacun va être réassigné à sa place. Et ce constat-là va être encore beaucoup plus fort suite à la deuxième occupation qui va avoir lieu au Hall des Sports, qui est une occupation assez énorme. Enfin, il y a beaucoup de personnes présentes, il n'y a pas du tout d'unité, il y a énormément de tensions qui sera à discuter, qui fait que mais le comité d'action et de soutien, à ce moment-là, est complètement détaché. Et c'est pas vrai au niveau des individus, mais c'est vrai au niveau du collectif, est complètement détaché de ceux avec qui ils luttent. Et donc la question de l'immigration, la question des frontières devient une question qui devient de plus en plus abstraite, et la possibilité de poser ces questions-là tout en accompagnant les luttes avec lesquelles on a affaire, se disjoignent. Et donc c'est juste de nouveau un truc à débattre, mais à un moment donné on repensait, on se disait mais jusqu'où la question de la critique de la position humanitaire, et Mohamed le disait avec encore plus de force tout à l'heure, c'est pas aussi quelque chose qui est une protection par rapport au fait de ce que ça engage de rester présent dans une occupation. Et que le CAS, c'est là qu'il est énorme, qui pose toute son ambiguïté, c'est qu'il garde, enfin qu'il a essayé de garder cette question de sa composante propre, de son enthousiasme, et en même temps, il a été frotté et confronté au fait que il n'y a pas du tout les mêmes vitesses, les mêmes perceptions, les mêmes devenirs des occupants eux-mêmes. Quoi. Donc ça, c'était un peu les questions qu'on voulait poser, qu'on essayait de poser autour de la question de l'autonomie. Quoi. C'est de dire qu'il y a cette espèce de milieu un peu paradoxal entre l'utopie de la destruction des frontières, de l'égalité, le questionnement et le rapport critique aux infrastructures des politiques migratoires et le réel des luttes et des avancées, même juridiques, en termes de protection des personnes avec qui on essaye d'être compagnon de lutte. Je crois que je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a énormément, enfin, parce qu'il y a pas mal de choix qui pourraient dire des trucs là-dessus. Moi, je voulais juste réagir parce que, en fait. Ah oui, vas-y. Mais là, on passe dans un autre temps, donc vas-y, là, j'allais plus parler du procès, sur le procès et des effets du procès. Mais... Moi, je voulais juste intervenir sur la dynamique d'un comité de résistance contre la politique migratoire, parce que je pense que ce qui nous a marqué tous les différents collectifs de lutte contre la politique migratoire, c'est qu'il y a différents choix qu'on a dû faire et qu'on a fait à certains moments et qu'on a dû supporter les conséquences aussi. Et d'abord, le premier choix que je vois, c'est de se définir soi-même comme un groupe de soutien et d'action. Ça veut dire de ne pas se lier à une occupation ou de ne pas se lier à une certaine fête médiatique qui est dans le moment urgent, mais de vraiment décider d'avoir un comité, un groupe d'action qui n'est pas lié à un événement, qui va au-delà de ça, qui peut s'organiser au-delà d'un certain événement, une certaine occupation, je ne sais pas quoi. Je pense que ça, c'était le point fort du CAS, c'était le point fort de CCLI, c'était le point fort du VAC. C'est qu'on s'est auto-construit plus large qu'un certain événement. Le deuxième choix que je pense que c'est important de considérer comme un collectif de soutien de lutte, c'est de choisir entre la spontanéité, qui nous permet en fait de faire des actions de fou, qui nous a permis aussi de vivre des moments très forts et très, très joyeux aussi. Avec l'expérience de CCLI, je pense qu'il n'y a personne qui a pensé à un moment où ils étaient à la marche de flambeau qu'il y avait 30 personnes qui allaient évader. Le même avec le VAC, on a eu des moments aussi où tu fais une action devant un centre fermé, il y a 3 personnes qui s'évadent. Mais bon, on n'a pas compté sur ça, c'était pas rationnel. Et je suis très contente qu'on a eu cette spontanéité de faire ça. Et je pense que pour le CAS, c'est la même expérience. Il y a des moments où tu dois vivre vraiment la spontanéité et laisser cette émotion et t'emporter. Parce que c'est ça qui va te faire motiver pour continuer, je pense. S'il n'y a pas eu ces moments de folie, ces petits moments de folie, je pense que j'aurais déjà déchaîné beaucoup plus tôt que peut-être je fais maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être naïf. C'est-à-dire qu'avec le VAC, on a eu On a écouté très très bien l'expérience de Cécilie. Le procès de Cécilie, ça tombait juste au moment où on commençait avec le VAC. Donc on a appris beaucoup de leçons sur la répression à cause de ce qui est arrivé à notre copain bruxellois. Et on a appris aussi à faire gaffe à ce qu'on fait. Et c'est ça l'équilibre entre spontanéité et d'être préparé, de savoir qu'il y a une répression qui va suivre à un certain moment ou l'autre, qui est un choix très difficile à faire. Comment pas faire tuer ton spontanéité par être trop vigilant, trop prudent? Et comment ne laisser pas emporter trop par la spontanéité sans se faire piger comme des cons, quoi. Et je pense que c'est un choix très, très difficile à faire pour des collectifs de soutien de lutte, en tout cas. Et le troisième point que j'ai remarqué, qui est commun pour beaucoup de groupes de lutte, c'est que, en fait, au début, quand j'ai commencé avec VAC, c'était tout juste après le truc de Semira. Et j'avais encore plein de croyances, si on fait assez d'actions collectives, ça va changer l'opinion politique. Maintenant, je pense que je ne suis plus du tout dans cette optique. Je pense que on doit faire ce qu'on sent, même si l'opinion publique, pour le moment, je m'en fous de ce que l'opinion publique pense. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a tout eu, beaucoup des expériences de collectifs de soutien, c'était pour moi un chemin d'apprentissage collectif. Et c'est ça qu'on a la tendance à oublier aussi. C'est pourquoi je pense que la durée de vie d'un comité de soutien est limitée. Parce qu'on commence, beaucoup de nous commencent dans une spontanéité, dans une indignité très spontanée et pas très calculée. Et on apprend et on fait des actions, on apprend à affiner notre position politique. Je pense que je suis devenu beaucoup plus radical que quand j'étais au début, et que c'est difficile de transmettre ce procès à des gens qui rejoignent un collectif plus tard. Comment est-ce qu'on peut faire des actions qui laissent encore un seuil d'entrée qui n'est pas trop radical, que les gens peuvent faire leur propre apprentissage dans l'action. Et je pense que c'est pourquoi il y a beaucoup de collectifs qui se terminent après... Avec le VAC, c'était presque 10 ans, mais des autres collectifs, c'est 5 ans. Je pense que c'est après 3 ans que ça commence à être difficile, que tu as un groupe qui est soudé, qui a un niveau de réflexion politique qui est déjà établi, et que c'est très difficile de prendre des autres gens pour faire ce chemin encore ensemble. Et ça, c'est une question, je pense que si on parle de stratégie de groupes de lutte, de collectifs de lutte, c'est les trois questions pour moi qui sont importantes pour se auto-définir. Et je dois dire que c'est très facile d'en parler en rétrospective, mais au moment même, j'étais heureux d'être dans l'euphorie. Et j'ai pas honte de ce que j'ai fait, et je pense que personne ici doit avoir honte de ce qu'on a fait au niveau d'être spontané et faire des choses de fou, quoi. On va parler de l'après-spontanéité, qui est le temps du procès. On vous rappelle la date, 27 novembre. Ouais, c'est difficile de reprendre le procès. Enfin, pour le coup, c'est plutôt... ouais, la répression, ça fonctionne. Du coup, je vais parler d'un truc qui a fonctionné dans leur stratégie. Non, mais je pense au contraire qu'il s'agit aussi de retrouver de la force là-dedans, et sans doute une force qui nous a manqué à certains moments, donc c'est plutôt bien d'essayer de partager ça aussi. Donc il y a le procès qui arrive en appel le 27 novembre. Pour ceux qui ne sont pas au courant, mais une minorité qui... J'explique rapidement, il y a deux affaires qui ont été menées par le CAS, qui ont été liées après coup dans leur phase judiciaire par le procureur. Une première affaire où des militants du CAS se sont... assis devant un fourgon de police et du centre fermé qui s'apprêtait à rafler une occupation d'Afghans au CGRA, qui faisait une journée d'occupation au CGRA pour réclamer leur régularisation. Et puis au moment où la police arrive, les militants du CAS qui sont devant refusent d'obéir aux injonctions policières de quitter le lieu, et donc décident de s'asseoir et sont tous arrêtés. Par chance, leur arrestation s'est substituée à l'arrestation des Afghans et des Iraniens sans papier, ce qui est pas une mauvaise chose pour le coup. Une deuxième affaire qui se passe quelques mois plus tard, qui est plus une action de foutage de merde dans une campagne de parti des libéraux européens à Tour et Taxi, dans lequel on est une vingtaine à intervenir à l'intérieur de la conférence par une porte dérobée et à faire un maximum de bruit devant toutes les caméras européennes qui sont là à ce moment-là. Peut-être avez-vous vu des images à l'époque. Ah là là. Et alors, ben voilà, pour les deux actions, les inculpations sont banalement les mêmes. C'est la rébellion, vol de matériel policier, violence contre policier, etc., etc. Et puis dans leur phase judiciaire, ils sont liés par le procureur. Donc le procureur demande que ces deux affaires soient jugées en même temps, une personne faisant la jonction entre les deux groupes d'inculpés. Et donc, enfin, Martin va un peu expliquer comment est-ce qu'on peut faire des tentatives de tenir ensemble avec, à partir d'un moment de procès qui est certainement pas un moment de montée en puissance, hein, tout du contraire. Moi, j'avais envie de revenir, mais très très personnellement, sur les effets du procès en termes de mécanisme d'isolement, parce que j'ai l'impression que, par rapport à ce que vous avez raconté, parce que vous avez pas mal causé de votre procès aussi, c'est un peu les mêmes mécanismes qui se répètent, donc ça doit peut-être bon de penser ensemble à comment on parvient à conjurer ces mécanismes à l'avenir. Donc le premier mécanisme d'isolement, c'est forcément le temps qui s'écoule entre le moment du mouvement et le moment du procès. Pour vous, je pense que c'était 4 ans, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard. Pour nous, ça a été 2 ans, c'est un petit peu plus court. Mais comme la dernière arrestation arrive vraiment en queue de comète du reste du mouvement, ben, c'est en fait 2 ans plus tard, on n'est plus fondu dans un collectif qui a le même plaisir à être ensemble. On est moins dans une expérience qui produit de la force ensemble. Et donc finalement, là, c'est déjà une première phase d'isolement. Finalement, ceux avec qui on tient ce procès, mis à part les autres inculpés, c'est les quelques-uns du comité avec lesquels on est devenus réellement amis, mais plus vraiment des liens de camaraderie un peu lointaines, proches, comme ça. Celles-là ne sont plus tant là. Un second processus d'isolement, c'est évidemment les plaidoiries des procureurs et de la partie civile qui, et ça m'avait frappé dans la première séance au palais de justice qu'on a eue, la partie civile commence juste une plaidoirie en légitimant l'ensemble de l'expérience du comité d'action et de soutien, l'ensemble des manifestations, en disant que, en fait, c'est normal, on est des jeunes étudiants, on est quand même dans une démocratie, donc on a le droit de s'opposer à quelque chose dont on n'est pas d'accord, etc. Et donc on a un peu frappé par la plaidoirie et dit, mais par contre, les quelques-uns qui sont assis sur le banc des inculpés, ceux-là n'ont rien à voir avec cette légitimité-là, ça c'est un noyau dur anti-police, et donc ceux-là, il faut absolument les réprimer. Pour quelque part, indirectement, pour pouvoir permettre la continuité du reste de l'action du comité. Alors, là, évidemment, c'est une opération de capture, hein, et c'est une opération qui est venue vraiment dépolitiser 2 ans d'expérience et qui a vraiment déplacé. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti qu'on n'était plus dans le temps de l'action, du mouvement, etc., mais qu'on était vraiment entré dans un temps juridique à part entière et que ça nécessitait, en fait, une autre rhétorique, d'autres argumentations et d'autres outils aussi pour pouvoir se défendre. Je cherche encore ces outils par ailleurs et je suis prêt à en discuter avec vous. Mais j'ai vraiment senti comment ce procès, il est venu déqualifier nos actions, leur enlever un bien fondé politique, les requalifier en termes juridiques. Et donc, on est passé à d'un sentiment de légitimité qui, pour nous, était de notre côté au moment où on posait nos actions, à une nécessité d'argumenter d'un point de vue légal. Et là, ben, on est toujours un peu perdant, puisque en fait, la rébellion, c'est reconnu dans le code pénal. Et donc, si on avoue qu'on s'est rébellé, il y a peu de circonstances atténuantes, quoi. Et donc ça force à construire une nouvelle légitimité, une légitimité légale, mais moi elle m'est apparue comme essentiellement, enfin très déstabilisante, parce qu'elle l'a demandé chez moi, et j'y arrive pas toujours, et c'est pour ça un peu que je balbutie ici, à verbaliser, à argumenter finalement à partir d'un affect ou d'un sentiment qui était assez spontané, assez premier, un sentiment qui m'avait poussé à agir, sur lequel je dois faire un retour 2 ans plus tard pour essayer de fonder une légitimité a posteriori sur quelque chose que je ne m'expliquais même pas au moment même. Et donc, je termine là-dessus, mais quand on a préparé ce séminaire, avec quelques-uns du CAS, on s'est donné un peu une semaine pour fouiller un peu dans les archives des collectifs qui nous avaient précédés. Et on a regardé avec beaucoup d'attention le reportage Résister sur le procès du collectif contre les expulsions. Et il y a une scène là-dedans sur laquelle on a discuté pendant des heures où j'ignore le prénom d'une de tes co-inculpées qui, devant son collectif de soutien et notamment une conférence de presse, on vient à devoir expliquer ce pourquoi il est bon de s'opposer aux politiques migratoires. Alors elle parle de droits de l'homme, d'universalisme, etc., etc. Et on sent que vous êtes derrière, et notamment toi, t'es en train de bouffer un bic, et on sent que vous êtes pas du tout à l'aise avec la création a posteriori d'une légitimité d'une action. Et ça m'a à la fois vraiment rassuré de me dire que d'autres étaient passés par là et qu'ils avaient pas, ils étaient confrontés aux mêmes difficultés et tout. Et à la fois, je trouvais que cette anecdote était assez significative, que peut-être il serait bon qu'on puisse faire traverser un peu les manières dont on a construit de la légitimité a posteriori sur nos actions, quitte à ce que ce soit une légitimité très stratégique, très juridique, pour empêcher de se faire condamner très platement. Quoi. Et juste pour compléter un peu ça, et après on ouvrira aussi un peu la discussion, mais on a essayé aussi de voir un peu les effets, donc je veux dire, qu'est-ce qui nous est arrivé pendant ce temps du procès judiciaire. Et en fait, on se rendait compte qu'on rendait compte de l'action pour laquelle on a été incriminé, qui en fait n'est ni plus ni moins radicale, ni plus ni moins bien préparée que n'importe quelle autre action du CAS. Simplement, elle est tombée en queue de comète d'un mouvement beaucoup plus large, et c'est sur celle-là qu'il y a eu arrestation, qu'on rendait compte de notre propre devenir par une sorte de courbe comme ça ascendante, de radicalisation d'action en action. Et en fait, on réfléchissait, c'est de nouveau des choses à mettre en débat, mais on avait l'impression que c'était vraiment une sorte d'effet a posteriori, qui est en fait pour nous le fait d'avoir un acte spécifique pour lequel il faut donner la responsabilité d'un nombre de personnes réduites, qui n'étaient pas toutes, enfin qui n'est pas tout le collectif ni toutes les personnes qui ont participé à cette action, alors que nous, enfin, en essayant de penser cette question de comment est-ce qu'on reconstruit ou comment est-ce qu'on continue à tenir une légitimité, on se rendait compte que les actions d'un collectif, elles tiennent dans un réseau d'actions, dans un faisceau de relais d'actions, et les actions du CAS elles-mêmes tenaient sur d'autres types d'actions, quoi, qu'elles n'étaient pas, qu'il n'y avait pas d'action politique qui existait en soi, mais qu'elles existaient, qu'elles s'appuyaient les unes sur les autres. Du coup, ben ça, Yuri en a pas mal parlé, mais la difficulté d'arriver à rendre compte de ce qu'on fait politiquement dans une langue qui est celle de la justice, qui est une sorte de langue de vipère, fait aussi qu'on perd, dans ce temps long, la capacité collective à maintenir la force et la légitimité de ce qu'on avait fait. Évidemment, on est obligé de parler, enfin, on nous demande de répondre d'agressions de policiers, de coups et de blessures, d'exclusion matérielle, là où nous avions parlé de solidarité, d'égalité, de lutte. Donc, on y voyait un peu une forme de désappropriation, et on essayait de se dire, bon, mais comment est-ce qu'à partir de là, on essaye à un moment donné de ne pas être complètement piégé là-dedans, parce qu'on se rendait compte que s'il y a des effets a posteriori, et t'en parlais un peu Gérald, de jugement a posteriori de ce qu'on avait fait, comme étant trop citoyenniste ou bien trop pacifiste, ou quand aujourd'hui on n'en était plus là, on avait dépassé un peu toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que ça nous paraissait important, cette question de réappropriation collective, c'est qu'à un moment donné, il faut essayer de reprendre place dans un mouvement plus vaste et de se donner une actualité. Et en fait, c'est un peu ce qu'on essaye de faire à travers cette mémoire collective ici. C'est aussi que c'est une mémoire qui peut avoir un sens quand ces processus judiciaires ont lieu, pour faire qu'un groupe qui se retrouve très isolé puisse simplement avoir un sentiment minimum d'appartenance à une histoire qui le précède et qui lui donne de la force et qui continue à porter ce qu'il a fait. Quoi. D'où pour nous la nécessité de cette mémoire collective. Et en fait, en y réfléchissant, et ça c'est différent par rapport à votre histoire, ce qui a manqué pour les inculpés du CAS, ce qui a manqué en fait, c'est un comité de soutien qui soit en mesure de reprendre l'acte pour lequel il y avait une dite culpabilité et de la dissoudre dans une communauté beaucoup plus large de résistance. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait ou qu'on a du mal à mettre en place, mais pour vous, enfin pour de ce qu'on a vu, le collectif contre les expulsions, ça s'est fait de l'extérieur. Je pense que malgré tout, c'est une force qu'il ne faut pas négliger. Quoi. Voilà. Tiens, pour le procès du CAS. D'ailleurs, petit texte à signer. Ça en est où de la procédure exactement ? Ça, je ne sais pas exactement. Il y a déjà eu un jugement, c'est un appel. Ouais. Et alors le jugement, il fut quoi ? Le jugement, je n'ai plus exactement en tête. Peut-être que il y a une condamnation, mais je ne sais plus exactement combien de mois de prison de sursis. Un ou trois, ouais. Vous êtes reconnu coupable de quoi exactement ? essentiellement de rébellion. En fait, les charges de violence contre policiers ont été abandonnées par la juge. Il faut savoir que au bout de du procès en première instance qui a duré quasi un an et demi pour une série de raisons, de reports, etc., le procureur a, pour une série de raisons aussi, a décidé de nous acquitter, donc de demander notre acquittement. Donc, si tu veux, à la dernière séance, quand le procureur demande l'acquittement, nous, c'est un des moments les plus joyeux que j'ai eu l'occasion de vivre au cours de notre procès, quoi. On pense que c'est gagné, et on oublie complètement qu'en fait, il y a encore une décision d'un juge qui doit tomber. Et donc, en fait, à tel point qu'au moment du verdict, on n'y va même pas ensemble, tu vois, on n'appelle même pas les copains à venir avec pour un peu se sentir un peu fort. On est certain qu'on sort de la vainqueur, et on se dit, bon, ben... tel jour il y a le verdict, le soir on va bouffer ensemble. Et puis bon, le verdict tombe et on est condamné à des peines de prison de sursis, mais on est aussi paradoxalement condamné à verser des indemnités à un fonds de victimes pour violences involontaires, indépendamment du fait que les accusations pour violences contre la police sont tombées, ce qui crée un peu un imbroglio tu vois, difficilement compréhensible et à la fois difficilement tenable. Et donc, voilà, après maintes discussions très écorchantes entre nous, on a finalement décidé, sans grande certitude, d'aller en appel, notamment lié au fait de toute la thune qu'on devait payer à chacun des flics qui accusaient de nous avoir tapés, bien que le procureur reconnaissait qu'on ne les avait pas vraiment tapés. Voilà, on en est dans la procédure. Je ne sais plus exactement, là tu me poses des questions. Tu parles de quoi? De la condamnation. Oui, du pognon qui vous demande. Ah, du pognon, mais je sais pas, parce que ça doit se répartir en fonction. J'ai ça dans mon dossier. Hein. C'est X euros par jour d'absence de travail pour chacun des policiers qui ont reçu un coup, plus des indemnités à verser à un fonds de victimes de violences volontaires. Voilà. Organisez votre insolvabilité. Et disons, le coup de bol que nous on a eu, c'est que les gens qui avaient signé l'acte d'hébergement, donc qui avaient dit j'héberge un évadé, tout ça, après, quand ils ont vu ce délitement du groupe suite à la répression, etc., ils ont créé un comité de soutien. Donc c'est Mathéo Lalouf, Isabelle Stengers, enfin des profs du NIF principalement. Et alors ils ont organisé, j'ai même pas tout suivi, mais des concerts dans une église à Watermal-Boisfort avec des gens qui payaient. Après le procès, il y avait encore un paquet de pognon en plus, quoi. Donc ils ont payé tous les avocats, machin, et on m'a jamais rien demandé, ni un bal que dalle. Ils ont tout payé, et ils ont encore donné à l'ambassade universelle du pognon pour mettre le chauffage et tout ça, parce qu'il restait encore du pognon. Ouais, bonne somme. Donc c'est le moment d'aller voir les profs, quoi. 2000 euros, on en a aussi, je crois. Oui. Au-delà de la question, peut-être... Je ne sais pas si elle est seulement technique, mais la question technique de comment faire, par exemple, dans le cadre d'un procès comme ça, pour pas rester isolé, pour pouvoir faire face aux coups et aux conséquences du jugement. Par exemple, un comité de soutien au comité de soutien, c'est aussi justement un biais par lequel la transmission, la mémoire de ce qui s'est passé peut sortir du groupe lui-même, du groupe qui est inquiété. Et j'ai l'impression que ça se fait, c'est moins sous la forme d'un récit, moins sur la forme d'une histoire, que de réellement une manière de remettre en avant les enjeux qui surgissent dans un procès comme ça et qui sont pas juste les enjeux financiers ou de peine fût-elle de sursis. Et moi, j'ai l'impression que s'il y a une question, par exemple, comment nous poursuivons par la suite avec ces rencontres, comment on envisage de continuer, puisque maintenant, c'est dévoilé la raison pour laquelle vous nous avez fait venir, est-ce que... On n'imaginerait pas vraiment ce que ça voudrait dire d'ici le 27, mais pas juste par sympathie pour quelques personnes, mais depuis toutes ces questions qui sont soulevées là et de ce que ça veut dire transmettre une histoire aussi au-delà du moment où elle a eu lieu, mais au travers de ce qu'elle continue à charrier des années plus tard, et comment ça, je sais pas, ça résonne. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans ce procès-là, et voilà, moi j'ai l'impression que ça peut réellement se poser aussi comme un moment de cette transmission, de voir ce que ça voudrait dire de